Je vous propose cette semaine de redécouvrir une série d'émissions autour d'Hannah Arendt et de son livre « Les origines du totalitarisme ». Aujourd'hui, premier épisode, le totalitarisme est-il une tyrannie comme les autres ? Quand les origines du totalitarisme paraissent en 1951, Hannah Arendt n'est pas connue du grand public. C'est son premier livre et le résultat de 5 ans de recherche. Le totalitarisme est un mot quasiment nouveau et le travail de la philosophe va consister à le définir et le distinguer de la tyrannie d'un côté, de la dictature de l'autre. Alors qu'est-ce que le totalitarisme et existe-t-il encore aujourd'hui au XXIe siècle? Nous avons 4 jours pour y répondre. On est dans un système aujourd'hui où les gens pour lesquels on vote n'ont pas le pouvoir. Vous croyez qu'un parlementaire a le moindre pouvoir aujourd'hui? Vous avez vu les guignols d'En Marche, là, ils sont tous avec le petit doigt sur la couture, ils doivent tous voter la même chose. Quand ils osent apporter la moindre dissonance, ils se font taper dessus avec une matraque, donc il y a une dictature totale en France. Et donc, il va falloir que ces choses-là se déverrouillent d'une manière ou d'une autre, sinon c'est la dictature. C'est vrai que d'une certaine manière, on a l'impression de vivre dans les descriptions qui ont été faites d'un monde totalitaire, hyper productiviste. Et au début, on a un peu écarté ça. Non, on n'est pas dans le Big Brothers, on n'est pas dans la société de surveillance, mais en réalité, si. Aujourd'hui donc, les gens pour lesquels nous votons ne servent à peu près à rien. Nous ne sommes plus en démocratie telle qu'on l'entendait autrefois. La dictature dans le sens original du concept et du mot n'est pas une tyrannie, c'est une suspension temporaire des lois en cas d'urgence, généralement pendant une guerre ou une guerre civile. La dictature est limitée dans le temps, la tyrannie ne l'est pas. Bonjour Pierre Bourette. Bonjour Adèle Van Rett. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Dictature, dictature totale, monde totalitaire, société de surveillance, absence de démocratie. Quand on écoute tour à tour Gilles Clément, Laurent Wauquiez, Laurent Brun et Daniel Cohen qualifier le monde d'aujourd'hui, tout porte à croire que nous vivons dans un monde totalitaire. C'est totalement absurde. C'est totalement absurde. Justement, on a une heure pour en parler. C'est complètement absurde. On pourrait se poser la question de savoir si le concept de totalitarisme peut décrire encore aujourd'hui une réalité. Je crois que l'exemple sur lequel on pourrait réfléchir, mais au fond, j'en suis pas convaincu, c'est la Chine. Ouais. C'est pas le cas de la Russie. C'est pas le cas de ce qu'on appelle les démocraties libérales. En revanche, il y a quelque chose dont je pense que c'est véritablement un mouvement totalitaire, c'est l'État islamique Daesh. On va y venir, on va voir que Hannah Arendt a mis du temps à trouver les deux critères qui, pour elle, in fine, caractérisent le totalitarisme, qui sont idéologie et terreur. S'il y a aujourd'hui un phénomène politique qui correspond à ces deux critères, l'idéologie et la terreur, c'est l'islamisme radical dans cette acception-là, dans cet exemple-là très précisément. Ça pourrait aller même très loin, parce que État, évidemment, n'a pas de sens, État islamique. En revanche, c'est un mouvement totalitaire, et Arendt a passé beaucoup de temps pour expliquer justement la différence entre les partis traditionnels, qui représentent des classes, des intérêts bien repérés dans une société, et les mouvements totalitaires, qui ne sont pas des partis, justement. Alors, on va essayer de comprendre ça, mais s'il fallait commencer en proposant une première définition de totalitarisme. Quelle serait-elle, Pierre Bourette, à la suite d'Hannah Arendt, évidemment? À la suite d'Hannah Arendt, je crois que la bonne définition, celle qu'elle trouve, mais une fois encore, tardivement, c'est le mixte d'idéologie et de terreur. Ensuite, on peut dérouler les choses. Ce qui est très fort, et en même temps qui a toujours rendu un peu difficile la réception du livre, en particulier chez les historiens et chez les spécialistes de sciences politiques, c'est que Arendt n'a jamais voulu entrer dans le jeu qui a été un jeu qui a fait couler des tonnes d'encre en sciences politiques, en relations internationales, qui était de savoir, alors qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la propagande? Est-ce que c'est le parti unique? Est-ce que c'est etc. Arendt disait non, ça n'a pas d'importance, on n'est pas pour mesurer exactement les choses. Ce qui est important, c'est quelque chose qui est à la fois concret et intellectuel, qui est l'idéologie. Il faut décrire exactement ce que c'est que l'idéologie. Et pour elle, l'idéologie, c'est très précisément la logique d'une idée. C'est une idée qui se détache de ce qu'est normalement le fonctionnement des idées, qui est de la réflexion, et qui prend sa propre logique, qui devient folle au sens où elle ne reconnaît plus de choses qui peuvent l'arrêter. Donc c'est ça l'idéologie. Et puis au plan plus empirique, c'est la terreur. Et là, la terreur, faut le décrire, ça va de la terreur quotidienne jusqu'à ce qu'elle décrit comme étant le laboratoire dans lequel se vérifie l'hypothèse de l'idéologie, qui est le camp. Le camp de concentration, le camp d'extermination, oui. C'est l'endroit où le système totalitaire vérifie l'hypothèse de l'idéologie, qui est que l'homme est superflu. Vous êtes, Pierre Bourette, loin d'être superflu, philosophe et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous connaissez Arendt peut-être mieux que personne, je n'en sais rien. En tout cas, vous l'avez beaucoup, beaucoup fréquenté et vous êtes à l'origine de la publication des Origines du totalitarisme et de Eichmann à Jérusalem en Quarto Gallimard. C'est une édition gigantesque dans tous les sens du terme. Vous avez écrit une introduction à cette édition. On va comprendre et essayer de découvrir ce texte ensemble. Quand Arendt s'intéresse au totalitarisme, je l'ai dit, c'est en 1944. Dites-nous où en est Arendt à ce moment-là. J'ai dit qu'elle n'était pas connue du grand public. Elle a publié sa thèse sur le concept d'amour. Oui. Elle avait travaillé avec Heidegger. Oui. Où est-elle et pourquoi décide-t-elle d'écrire ce texte ? Elle est à New York. Elle est à New York depuis 5 ou 6 ans. Elle dit elle-même qu'elle a commencé d'écrire le livre en 1945, sans donner exactement la date. Donc, est-ce qu'elle a attendu vraiment la fin de la guerre ou pas ? En tout cas, elle dit l'avoir commencé en 1945 et elle dit avoir achevé le manuscrit à l'automne 1949. Donc elle l'écrit en à peu près 4 ans. Il faut se dire 2 choses. La première, c'est que, en gros, elle n'a pas de job. Elle flotte dans la nature, elle n'a pas de point d'ancrage institutionnel dans une université, dans un institut de recherche, etc. Elle a passé les années de la guerre à travailler pour une revue juive allemande qui s'appelait Laufbau, dans laquelle elle a beaucoup écrit, mais elle a écrit des textes politiques, au fond, des textes sur ce qu'on pouvait savoir de ce qui se passait, elle a mené un combat pour que les juifs s'engagent directement dans la guerre contre le nazisme, elle voulait une armée juive, donc tout ça ne lui donnait pas le temps de réfléchir. Elle vit, je crois, il y a une lettre d'elle, je ne sais plus à qui, dans laquelle elle dit nous vivons comme des bohèmes, un peu déraciné justement, moi et mon mari Heinrich Boucher. Oui. C'est une lettre, je crois, à Kurt Blumenfeld, enfin à un de ses amis très très proches qui est en Israël, je pense. Sa correspondance est énorme, hein. Il n'y a pas très longtemps. Donc j'imagine, moi je lis parce que comme j'ai vraiment passé effectivement beaucoup de temps avec elle, vous disiez je l'ai beaucoup fréquentée. Oui, je l'ai beaucoup fréquentée, c'est pas seulement lu mais aussi un peu vécu avec elle. Quand je me dis comment a-t-elle fait pour écrire en 4 ans ce livre, pour l'écrire dans une langue qui n'était pas la sienne. En anglais. Quand on regarde de très près, c'est un anglais qui a un peu une structure allemande. C'est pas très agréable à lire en anglais parce que c'est un anglais qui a un peu une syntaxe allemande. Mais peu importe, c'est magnifiquement écrit. Et c'est surtout, il y a une force extraordinaire. Moi, j'imagine qu'elle devait aller à peu près tous les matins, pendant 3 ans au moins, le temps de la recherche, à la New York Public Library, qui est une immense librairie à New York. Je crois qu'elle vivait pas très loin, elle vivait à quelques blocs, à quelques rues, qui ressemble un peu, ça dira peut-être quelque chose à nos auditeurs, à l'ancienne BNF, l'ancienne BNF de la rue Richelieu, c'est-à-dire des immenses tables, et où on peut se faire apporter le matin 10 livres. Je pense qu'elle se faisait apporter à peu près tout. Ça allait depuis des livres de sciences sociales sur l'autoritarisme, sur les premiers grands savants allemands qui étaient certains de ses amis d'ailleurs, qui avaient écrit les premiers gros livres de histoire, sociologie, sur ce qui était en train de se passer, jusqu'à des livres de littérature. Parmi les plus belles pages des Origines du totalitarisme, il y a celle où elle, pour parler de l'impérialisme, elle utilise Joseph Conrad, par exemple. Mm-hmm. Elle utilise en particulier un passage sublime de Au cœur des ténèbres, qui raconte où le narrateur qui est sur un bateau qui remonte le Mékong raconte comment les gens voient ces hommes, mais c'est à peine des hommes, qui vivent même sur les rives de cette rivière. Oui, parce qu'il lui faut des images pour qualifier ce que le totalitarisme, qui est un mot, absolument. Vraiment, il faut insister là-dessus, oui. Qui, à l'époque, n'est pas courant. Non, qui pas n'est absolument il est même pas assez récent. Il est récent. Les antifascistes italiens qui l'emploient pour Les antifascistes italiens, et Mussolini l'utilise aussi sous une forme adjectivale. Peu importe qui le premier a dit, voilà, c'est un concept historique ou philosophique, mais c'est un terme qui n'est pas encore très utilisé. Et puis, c'est un terme qui, très vite, début des années 50, va devenir un terme politique et polémique parce qu'il va être dénoncé comme un concept dit de guerre froide. C'est-à-dire qu'en gros, pour simplifier les choses, une partie de la gauche ou de l'extrême gauche n'aimait pas ce concept parce qu'il mettait en parallèle, le nazisme et le communisme. C'est tout. Donc, l'audace, voire le courage d'Arendt, à l'époque, c'est de mettre sur le même plan, au regard du totalitarisme, nazisme et communisme. Nazisme et communisme. Donc, c'est un concept qui va devenir très vite polémique à gauche, de la part de gens, ou à l'extrême gauche, de gens qui ne veulent pas, évidemment, qu'on mette en parallèle le communisme et le nazisme. En France, ce sera Jean-Paul Sartre, par exemple ? En France, ce sera Jean-Paul Sartre. En France, ce sera tous les milieux qui gravitent plus ou moins autour du Parti communiste. Et puis, avec toutes les variations possibles dans tous les pays possibles. Le concept va ensuite être beaucoup utilisé dans les sciences sociales américaines. Mais à la manière que je disais il y a un instant, c'est-à-dire une manière qui a totalement vieilli, qui est, quel est le critère le plus important ? Et puis avec le temps, le totalitarisme est en train de se décomposer en Union soviétique. Enfin, vous imaginez les tonnes de littérature qui ont circulé là-dessus, sur des discussions absolument minuscules. Personne aujourd'hui, je vais même pas citer le nom pour ne pas être désagréable, personne ne le lirait aujourd'hui, sauf à faire de l'histoire des sciences sociales, personne ne lirait les traités sur le totalitarisme écrits par les plus grands noms des sciences politiques américaines de l'époque. Alors que on continue de relire avec passion ce monument plein de défauts. Bah, on va y venir justement. Mais qui a survécu. Comme souvent, ce sont les défauts qui font le charme. Parce que c'est un livre assez atypique dont on va parler toute la semaine, hein, sur les chemins de la philosophie. Avant de rentrer vraiment dans le livre lui-même, un mot sur le titre. Les origines du totalitarisme. C'est presque un paradoxe quand on lit ce que dit Arendt, parce qu'elle n'essaye pas du tout d'inscrire le totalitarisme dans une visée, disons, téléologique de l'histoire, à savoir où il y aurait un début et une fin poursuivie par l'idée. Au contraire, c'est un événement, c'est quelque chose qui surgit, qu'on ne peut pas forcément prévoir. Et le titre ne la satisfait pas, elle a essayé d'autres choses, vous le dites dans l'introduction, éléments de la honte, antisémitisme, impérialisme et racisme, ou les trois piliers de l'enfer, ou une histoire du totalitarisme. Oui. Et finalement, elle opte pour ce titre qui ne lui convient pas. Alors, elle opte pour ce titre pour l'édition américaine, paraît la même année en Angleterre, à Londres. Une édition, le livre est exactement le même, c'est un phénomène qui n'est pas exceptionnel, qui est que le même livre soit publié par deux éditeurs différents aux États-Unis et en Grande-Bretagne, il n'a pas le même titre. Il porte un titre complètement allégorique qui s'appelle « Le fardeau de notre temps ». Voilà. Et puis, alors, chose beaucoup plus étonnante. Presque un euphémisme. Oui. Quand on le compare au totalitarisme. Absolument. Et vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques semaines, quand nous parlions des correspondances, la première lettre ou la deuxième lettre de Mary McCarthy à Hannah Arendt, Mary McCarthy lui dit « Ton livre est absolument passionnant, il se lit comme un roman ». C'est ce qu'on retient de cette lettre. Ouais. Mais un peu après, dans la lettre, elle dit « J'ai quand même quelques petits reproches à te faire, j'ai plus exactement la citation. » Eh bien, moi je l'ai récupéré pour vous, Pierre Bourrette. Donc McCarthy, la grande amie d'Hannah Arendt, qui lit « Les origines du totalitarisme », après avoir fait les éloges qui sont de mise et qu'elle, sans doute, est-elle sincère à ce moment-là, elle dit « Je ferai une critique. Dans ta fougue à expliquer le fonctionnement du totalitarisme, tu me parais négliger la part du fortuit dans le développement de ce phénomène, c'est-à-dire que certains traits se sont retrouvés incorporés à ces mouvements sans l'intervention d'une intelligence quelconque. En d'autres termes, tu suggères parfois qu'il existe des lois du comportement politique comparables à celles qui gouvernent les domaines esthétiques auxquels Staline et les nazis ont un accès particulier, etc. » Voilà. Alors moi, j'ai une autre carte qui est quelque chose qu'on a pu avoir en main après l'édition que j'avais faite de ce livre, qui est les carnets de travail d'Anna Arendt. Le livre, donc, Les Origines, paraissent en 1951. En juin 1950, Arendt a commencé à ouvrir et à écrire sur des petits carnets, des notes de travail, qui sont purement des notes de travail, qui sont pas du tout un journal intime. La seule chose intime qui est dans les 800 pages de ce journal en allemand, c'est mort de Heinrich, mort de son mari. Sinon, pas un mot de chose intime, c'est de la philosophie en train de s'élaborer. Je suis sûr qu'un jour, vous aurez envie qu'on fasse une semaine sur les carnets de travail d'Anna Arendt, parce que c'est vraiment un des plus beaux objets sur lesquels on peut faire de la génétique philosophique, sur lequel on peut essayer de voir une pensée naître et se déployer. Bon, en tout cas, une des premières notes de ce journal dit la chose suivante. Méthode dans les sciences historiques, soulignée. Oubliez toute causalité. À sa place, deux points, analyse des éléments de l'événement. C'est l'événement qui est central, dans lequel les éléments ont été subitement cristallisés. Titre de mon livre tout à fait faux, deux points, j'aurais dû l'appeler, alors il est écrit en allemand, The Elements of Totalitarianism. Voilà. Donc c'est une note de travail, c'est lapidaire comme toutes ces notes, c'est en allemand, et elle dit très exactement ce qu'avait vu Mary McCarthy, c'est-à-dire le titre est faux. Le titre est faux parce qu'il donne l'impression d'une téléologie, il donne l'impression qu'elle va aller chercher des éléments qui sont à l'origine de quelque chose qui devait nécessairement s'accomplir. Elle refuse complètement cette idée, pas de causalité, l'événement est... D'ailleurs, elle écrit, elle traduit elle-même son livre en allemand et elle lui donne un titre que je traduis, qui pourrait se traduire par « élément et Ursprung », ça veut dire « origine », mais en fait, en allemand, ça veut dire « surgissement ». Voilà. Alors, « élément et surgissement de la domination totale ». Voilà donc, le titre qu'elle donne en allemand. Pas de causalité, mais une description très précise, quasiment phénoménologique, comment dire, de ce qu'engendre le totalitarisme. Prenons un exemple. Avant d'aller plus loin, on pourrait parler des heures, des conditions de rédaction de ce livre. Il nous faut plonger. Alors plongeons avec un exemple. À quoi ressemble l'homme qui vit dans un système totalitaire? C'est ce qu'Arendt appelle l'homme des masses. La société n'est plus une société de classe, c'est une société composée par une masse indistincte. Écoutez comment Arendt décrit cette masse-là, qui est l'effet et non pas la cause du totalitarisme. C'est dans une atmosphère d'effondrement de la société de classe que s'est développée la psychologie de l'homme de masse européen. Le fait que le même sort avait frappé une masse d'individus n'empêcha pas ceux-ci de se juger eux-mêmes en termes d'échec individuel, ni de juger le monde en termes d'injustice spécifique. Cependant, cette amertume, ce repli sur soi, tout en se reproduisant dans de multiples cas individuels et isolés, ne constituait pas un trait commun. Malgré sa tendance à effacer les différences individuelles, cela ne se fondait sur aucun intérêt commun, économique, social ou politique. Par conséquent, le repli sur soi alla de pair avec un affaiblissement décisif de l'instinct de conservation. Le désintérêt de soi, au sens où l'on n'a pas d'importance à ses propres yeux, le sentiment de pouvoir être sacrifié n'était plus l'expression de l'idéalisme individuel, mais un phénomène de masse. Himmler, qui connaissait si bien la mentalité de ceux qui l'organisaient, décrivit non seulement ses propres SS, mais aussi les larges couches dans lesquelles il recrutait, en disant qu'il ne s'intéressait pas aux problèmes quotidiens, mais seulement aux questions idéologiques qui importeront pour des décennies et des siècles. Si bien que l'homme sait qu'il travaille à une grande tâche, comme il n'en apparaît que tous les 2000 ans. Cette gigantesque massification d'individus produisit une mentalité qui pensait en continents et sentait en siècles. Cette semaine, en compagnie d'Anna Arendt, sur les chemins de la philosophie France Culture, nous remontons aux origines du totalitarisme, ou plus exactement, comme vous l'avez précisé, Pierre Bourette, non pas tellement aux origines, mais nous essayons de comprendre ce phénomène, cet événement qu'est le totalitarisme. J'ai dit que l'homme de masse, et même la société de masse, était un corollaire, une conséquence du totalitarisme. Mais c'est pas tout à fait exact ce que décrit Arendt dans ce texte. C'est que c'est d'abord l'effondrement des sociétés de classe qui va induire cette espèce d'uniformisation de la société, l'absence de l'instinct de conversation, qu'ensuite l'État dit totalitaire va venir conserver pour mieux subsister. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Oui, absolument. Oui, une des trames du livre, parce que le livre a plusieurs trames et un de ses défauts d'un point de vue technique, historique, c'est de ne pas forcément très bien nouer tous ces fils et toutes ces trames. C'est effectivement ça, c'est-à-dire quelque chose qu'elle voit un peu avant la Première Guerre mondiale et un peu après, qui est effectivement la transformation des sociétés de classe européenne, entendu que, au fond, tout ça fonctionne mieux sur la genèse du fascisme que sur la genèse du communisme. L'effondrement, effectivement, des structures traditionnelles des partis politiques, qui représentent des classes sociales, des intérêts sociaux, si on veut, et leur dissolution, qui aboutit à une société de masse, c'est-à-dire une société dans laquelle il y a plus de distinction entre les individus. Elle utilise alors un terme quand elle arrive aux phases de où tout ça bascule dans la violence. Elle utilise un terme qui est difficile à traduire en français, mob, qu'on a traduit par populace. Ouais. Voilà, populace. Je crois que c'est effectivement le bon terme. C'est un terme très très péjoratif en anglais. Plus que foule, ça veut dire plus que foule au sens des sciences sociales de l'époque. Ça veut dire vraiment la plèbe au sens vraiment très péjoratif du terme, c'est-à-dire au fond quand les individus qui ne sont plus structurés dans les structures de classe, qui sont pris dans ces masses, qui sont menés par des mouvements totalitaires qui essayent de les emporter dans le vent de l'histoire et dans la logique de la nature, au fond sont prêts à la violence pure, sont prêts à passer à la violence pure parce qu'il n'y a plus de retenue. Mais c'est pas simplement la violence pure qui est le symptôme de cet homme de masse. C'est aussi, c'est là où le texte qu'on a entendu, lu par la comédienne Hélène Losseur, est passionnant. C'est l'absence totale d'intérêt commun. Oui. Comment est-ce que la masse, la foule se distingue d'un pays, enfin d'une nation, d'un peuple? Eh bien, c'est l'absence totale d'intérêt commun qui a pour corollaire l'affaiblissement de l'instinct de conservation. Mm-hmm. Autrement dit, l'homme est dissous. Voilà. L'homme disparaît. L'homme est dissous. Les structures traditionnel, c'est-à-dire traditionnel de la modernité, qui remonte au début de l'époque moderne, le système représentatif, le système dans lequel il y a de la représentation politique, dans lequel il y a des parlements, dans lequel il y a derrière des partis qui, effectivement, à l'époque d'Arendt, représentent des classes sociales. Bon, tout ça se dissout, donc les repères et la mise en forme du politique se dissout, entre parenthèses. Il y a des petits phénomènes comme ça aujourd'hui. Il est totalement absurde, comme on le disait au début de l'émission, de dire que ça ne fait de nos sociétés des sociétés totalitaires. Mais enfin, peu importe. Ce qui importe, c'est que on passe effectivement d'une société de classe à une société de masse, dans laquelle les liens individuels se défont. Au cœur, dans la société totalitaire, et ça c'est vrai de la société, des sociétés fascistes ou du stalinisme, les parents dénoncent leurs enfants et réciproquement. Oui, mais alors comment il faut comprendre ça? Est-ce que c'est un lien de cause à effet systématique? L'absence de classe engendre la masse et donc engendre le totalitarisme. C'est bien un des défauts du livre. C'est un des défauts du livre que de pouvoir laisser entendre que cette décomposition-là entraîne et conduit nécessairement au totalitarisme. Oui, parce que ça prête le flanc à une lecture conservatrice. Maintenant les classes pour ne pas que le totalitarisme s'installe. Ça peut mener à ça. Le grand concept quand même politique qui est peut-être une clé plus forte, un fil plus fort du livre, c'est la question de l'État-nation. C'est la question de l'État-nation, c'est-à-dire que l'État-nation, c'est cette structure justement qui, dans l'Europe occidentale, depuis, disons, la Révolution française, a donné une forme d'organisation politique, mais aussi sociale, justement. Parce que l'État-nation, c'est une forme politique, le système libéral au sens anglo-saxon, de la philosophie libérale des Lumières, le système représentatif, mais en même temps, c'est une forme sociale, c'est une forme dans laquelle les individus sont intégrés dans des structures sociales. Et l'État-nation pour Arendt, c'est ce qui a permis la mise en forme de la liberté moderne, c'est ce qui donnait un sens aux droits de l'homme. C'est ce qui a permis l'intégration des Juifs dans les sociétés occidentales. Il faut quand même le dire, le premier livre ou le premier chapitre de ce texte... Non, pas le premier chapitre, le premier livre. Le premier chapitre, pardon. Oui, c'est moi qui fais une bêtise. Donc porte sur l'antisémitisme. Ce sera le sujet de l'émission demain, mais il faut quand même en dire deux mots aujourd'hui. Le premier chapitre s'appelle l'antisémitisme, le second chapitre l'impérialisme et le troisième chapitre le totalitarisme. Et donc on commence par la fin en fait aujourd'hui, mais c'est le concept clé pour comprendre le reste. On commence par la fin, ce chapitre sur l'antisémitisme, c'est peut-être au fond celui que j'aime le moins. Il est un peu, il a des traits, il a certains traits qui me plaisent pas beaucoup et qui ressortiront plus tard chez Arendt, en particulier au moment de la controverse sur Eichmann. Mais en l'occurrence, peu importe. Le point important pour elle, c'est que vous n'aimez pas. Non, mais là, vous en avez trop dit ou pas assez. Non, vous n'aimez pas comment elle se positionne par rapport au judaïsme. Il y a un peu d'ironie chez elle sur le fait que pour critiquer une idée qui est effectivement un lieu commun, que les Juifs sont les éternels boucs émissaires dans l'histoire universelle, elle retourne un peu les choses au point de presque épouser des stéréotypes de l'antisémitisme. Mais le point important là, c'est que une des grandes clés du livre, et qui traverse les deux premières parties, l'antisémitisme et l'impérialisme, c'est effectivement la question de l'État-nation. Parce que l'État-nation a été la structure dans laquelle les Juifs modernes, dans les sociétés occidentales, ont eu leur place. Dans un système qu'on appelle en sociologie historique l'alliance verticale, qui est ce système dans lequel les élites juives en Europe occidentale, à partir de l'Aufklärung, ont préféré être alliées au pouvoir, donc à l'État, pour se protéger de la foule. Et inversement, l'État-nation avait besoin des Juifs pour garantir ses activités. Et l'État-nation avait besoin des Juifs pour garantir ses activités. Donc là, il y a une analyse classique en termes économiques, c'est les Juifs qui fournissaient le capital. Il y a une analyse économique, il y a une analyse politique. Ce qu'Arendt ne sait pas bien, c'est que le modèle avait été construit déjà au Moyen-Âge. Mais ce qu'explique très bien, par exemple, Joseph Yerushalmi ou aujourd'hui Pierre Birnbaum, mais peu importe. En l'occurrence, le point, c'est que l'État-nation était pour elle la structure dans laquelle les Juifs ont pu être libres, émancipés dans les sociétés européenne à partir du 18e, 19e siècle. Et la décomposition de ça a conduit à non seulement l'idéologie antisémite, mais a conduit à l'extermination dans la version nazie de celui-ci. Et de même, l'impérialisme pour elle, c'est une décomposition de l'État-nation. Alors là, il y a un point qui est un peu vieilli, c'est que dans son analyse de l'impérialisme, il y a l'analyse de Rosa Luxembourg, donc une analyse très déterministe, justement. L'impérialisme, c'est un surplus de capital qui ne sert plus à rien, donc ça va être l'expansion pour l'expansion. Ça, en termes d'analyse économique, c'est un petit peu vieilli. En revanche, ce qui n'est pas vieilli, c'est le fait que, oui, l'impérialisme, c'est quelque chose qui va de pair avec une décomposition de l'État-nation et qui va de pair avec, au fond, une humanité occidentale qui découvre une sorte d'autre qui, à ses yeux, n'est pas humain. Voilà, c'est là que je reviens au texte de Joseph Conrad auquel je faisais allusion tout à l'heure. Ces Occidentaux qui remontent un fleuve et qui voient des hommes qu'ils voient comme des barbares et au fond qui n'a pas grand-chose à voir avec leur sentiment de l'humanité. Alors ça, Arendt a raison sur le fait que c'est une véritable crise de l'État-nation et c'est une fois encore un des fils les plus forts, un des fils les plus solides du livre qui est, disons, un fil de philosophie politique. Qui est grandeur, déclin et décomposition, déstructuration de l'État-nation. La conséquence directe de cette déstructuration est l'emploi, l'utilisation comme moyen de la terreur pour régner dans un État totalitaire. Et la conséquence de cela, on a vu tout à l'heure l'homme des masses, eh bien, c'est l'isolement et la désolation, qui sont deux concepts clés qu'Arendt met en place dans ce troisième chapitre des origines du totalitarisme. Écoutez le texte lu par Hélène Le Seur et puis ensuite on entendra un témoignage direct, un témoignage de Ginette Kolinka, qui est une survivante rescapée du camp d'Auschwitz et qui vient de manière bouleversante proposer un récit qui incarne de manière incontestable ce que dit Arendt dans le texte de manière théorique juste avant. On a souvent fait observer que la terreur ne peut régner absolument que sur des hommes qui sont isolés les uns des autres et qu'en conséquence, l'un des premiers soucis de tout régime tyrannique est de provoquer cet isolement. Dans un régime tyrannique, les contacts politiques entre les hommes sont rompus et les aptitudes humaines pour l'action et le pouvoir sont contrecarrées. Mais ce ne sont pas tous les contacts entre les hommes qui sont brisés. Toute la sphère de la vie privée, avec ses possibilités d'expérience, d'invention et de pensée, est laissée intacte. Tandis que l'isolement intéresse uniquement le domaine politique de la vie, la désolation intéresse la vie humaine dans sa totalité. Le régime totalitaire, comme toutes les tyrannies, ne pourrait certainement pas exister sans détruire le domaine public de la vie, c'est-à-dire sans détruire, en isolant les hommes, leur capacité politique. Mais la domination totalitaire, comme forme de gouvernement, ne se contente pas de l'isolement et détruit également la vie privée. Elle se fonde sur la désolation, sur l'expérience d'absolue non-appartenance au monde, qui est l'une des expériences les plus radicales et les plus désespérées de l'homme. Je ne me vois pas parler dans le camp de Birkenau. Je pourrais même vous dire que, il n'y a pas longtemps, j'ai réalisé que je dormais pendant des mois avec les mêmes personnes dans la koya. La koya, vous savez, c'est ces petites niches qui étaient sur trois niveaux. Hein. On était six minimum dans ces niches. Il y en avait trois dans le fond, trois au bord. Eh bien, je serais incapable de vous dire avec qui je partageais cette koya. Alors que je l'ai partagée au moins pendant 5 mois, minimum 5 mois, avec les mêmes personnes, je serais incapable de vous dire qui elles étaient. Quant au travail, on travaillait tellement dur, je ne me vois pas en train de parler avec des camarades quand on est au travail. Le témoignage de Ginette Kolinka sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie, ce qu'elle raconte de son expérience au camp d'Auschwitz-Birkenau, Pierre Bouretz, l'absence de dialogue évidemment, de conversation, même de communication, l'absence même de mémoire des gens avec qui elle occupait cette koya, avec qui elle habitait, le terme n'est même pas approprié, dans laquelle elle était emprisonnée. Ce qu'elle décrit est, et même le terme paraît faible, est un des exemples de la désolation que décrit Arendt. Est-ce à dire que le camp de concentration est, est impliqué presque, est contenu dans l'état totalitaire et ce qu'il engendre? C'est-à-dire que ce n'est pas une exception, c'est presque constitutif de l'état totalitaire que de produire ce genre de choses. Alors, Arendt a mis beaucoup de temps, en fait, à pouvoir très exactement décrire ce qu'elle entendait par terreur, donc cœur du totalitarisme. La première édition du livre, donc 1951, se termine sur un chapitre qui s'appelle « Le totalitarisme au pouvoir », dont la fin est une description en quelque sorte phénoménologique de l'expérience des camps, avec le peu de témoignages qu'on avait à l'époque. Elle utilise en particulier un très beau témoignage de David Rousset, et qui dit la chose suivante « Les hommes normaux ne savent pas que tout est possible ». Et donc c'est cette idée qui faisant travaille référence à l'expérience des camps. Faisant référence à son propre travail, à sa propre expérience des camps, le livre qui s'appelle Les jours de notre mort. Et Arendt construit sa réflexion qui est, oui, de nature un peu phénoménologique. Elle essaye de décrire cette expérience à partir des rares témoignages. Et celui que vous venez de citer va exactement dans ce sens. Il y a malgré tout aussi des petites choses. Je pensais aussi, en l'écoutant un peu à contrario, Marceline Loridan et Simone Veil. Il y a quand même des amitiés totalement extraordinaires qui sont nées dans cette désolation. C'est vrai. Bon. Maintenant, si on fait un tout petit peu de génétique, le livre donc paraît en... Mais je crois que, pardonnez-moi, mais je rebondis sur Simone Veil et Marceline Loridan Ivens, je crois qu'elles ne se sont pas vues pendant longtemps et qu'un jour elles se sont recroisées. Bien sûr, elles des années, des années après. Oui, absolument. En tout cas, Arendt, donc, terminer là-dessus et avec cette idée que j'évoquais au début, qui est que les camps d'extermination sont le laboratoire dans lequel se vérifie l'hypothèse de l'idéologie que tout est possible, justement, que l'homme est superflu. Bien. Et puis, elle restait sur une insatisfaction. Elle avait deux insatisfactions vis-à-vis du livre. Il y avait une introduction qui ne lui plaisait pas. Elle l'a abandonnée. Et il y avait quelques remarques en guise de conclusion dont elle va écrire deux ans plus tard. Ça ne conclut rien du tout. Elle va les jeter et elle va passer 2 ans à réfléchir à qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour compléter son livre. Et puis ça vient pas, elle n'a pas envie visiblement d'écrire une autre conclusion, elle n'a pas envie de conclure, mais elle sent qu'il manque quelque chose. On pourrait se dire qu'elle aurait pu avoir l'impression que le livre était un peu hémiplégique, qu'il était un peu beaucoup sur l'explication du fascisme et du nazisme, et pas très développé au fond sur l'explication du stalinisme. pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, par exemple, le décadence de l'État-nation, ça explique pas grand-chose du bolchevisme. Bon, en revanche, ça explique très bien la montée des mouvements fascismes et du nazisme. Bien, donc elle était insatisfaite de ça. Et puis, alors là, c'est une histoire qui est amusante, mais qu'on ne peut découvrir que quand on lit ses cahiers. C'est que elle a en fin 1950, elle a un devoir d'amitié à l'égard de son vieux maître Jaspers. Elle doit écrire un texte pour des hommages à Jaspers. Elle trouve pas d'idée. Puis on voit dans ses carnets un jour, elle note le bateau, le nom du bateau Île-de-France qu'elle prend pour partir de New York pour venir en Europe. Et puis elle écrit la chose suivante, toujours dans le style télégraphique de la note que je lisais. Idéologie égale logique d'une idée. La logique en tant que processus met l'idée en mouvement, en pulvérise en même temps la substance. Cette perte de substance est fondamentale. Et voilà l'idée à partir de laquelle elle va rédiger très vite en allemand, en voyage pour les mélanges Jaspers, ce titre qui s'appelle « Idéologie et terreur, une nouvelle forme de régime ». Qu'elle ne met pas dans l'édition. Le dernier chapitre dans l'édition de 1958, dans la deuxième édition du livre, en livre de poche, 1958. Je crois que c'était déjà dans la traduction allemande. Et c'est là, elle a déjà parlé des camps. C'est là, le texte qu'on vient de lire, que vous venez de lire, c'est là qu'elle décrit la terreur comme l'isolement, la désolation. Il y a deux choses. Pour arriver à ça, elle a lu Montesquieu, elle a relu Montesquieu, et c'est là qu'elle a compris que le totalitarisme était une nouvelle forme de régime. Ça va très loin, ça, hein, parce que le totalitarisme était pensé comme une décomposition de la démocratie, l'envers de la démocratie, on avait du mal à définir ça. La grande idée d'Arendt, quand elle relit Montesquieu, c'est que il y a une définition de la tyrannie chez Montesquieu, bien, elle dit non, ça va pas. Voilà. Ça va pas. Alors, en quoi est-ce que le totalitarisme se distingue de la tyrannie? Eh bien, très précisément, parce que dans la tyrannie, il y a encore quelque chose qui sont des repères pour les individus. Même dans la pire des tyrannies, il y a malgré tout quelque chose d'un droit. Un droit absurde, un droit autoritaire, un droit qui est illégitime, mais il y a quand même malgré tout un repère. Il y a quand même un espace dans lequel les individus peuvent se repérer et éventuellement se protéger. Donc il y a des lois. Il y a des lois. En tyrannie. Il y a des lois injustes, il y a des lois absurdes, mais il y a des lois. Et il y a des lois dans lesquelles, vis-à-vis desquelles, avec lesquelles, les individus peuvent malgré tout se protéger. Le système totalitaire, c'est un régime, c'est un système dans lequel il n'y a plus de loi, sauf la loi de l'histoire et la loi de la nature. Bon, mais ça, évidemment, donc c'est l'anarchie. Il n'y a pas de consensus iuris. Il n'y a pas de loi qui définisse des limites et donc un espace commun aux individus dans lesquels ils peuvent se repérer vis-à-vis de l'ensemble que forme une société et se définir les uns par rapport aux autres. La deuxième idée qui est essentielle, et là encore, dans les cahiers, on la voit tourner autour de cette idée pendant des mois, c'est la différence entre solitude et isolement. Solitude d'un côté, isolement, désolation de l'autre. Et un jour, on la voit dire, on sent qu'elle a trouvé son concept. Elle dit, voilà, désolation, c'est ça qui me manquait. Alors, qu'est-ce qu'il y a que désolation de plus solitude, que l'isolement, la solitude, c'est une expérience personnelle. C'est une expérience qu'on peut tous ressentir à un moment de notre existence, le sentiment existentiel de solitude, d'être privé d'amis, d'être privé... Mais ça peut conduire à de la dépression, mais ça ne conduit pas à un système dans lequel, justement, se met en place une désolation qui est le fait que les individus n'ont plus de repères les uns par rapport aux autres. Les individus ont perdu ce qui est pour Arendt la définition du politique, qui est un espace entre les hommes, ce qui crée un espace entre les hommes dans lequel à la fois les hommes se différencient, mais en même temps se reconnaissent les uns les autres. L'expérience fondamentale de la politique pour elle, du politique pour être plus précis, parce que là c'est pas la politique au sens des partis politiques, des institutions politiques, c'est l'expérience politique, c'est l'expérience de l'espace entre les hommes, et bien la spécificité des régimes totalitaires, et ça marche parfaitement pour le nazisme, ça marche parfaitement pour le stalinisme, pour la société stalinienne, c'est de supprimer cet espace, d'écraser les individus les uns sur les autres. Ils n'ont plus de repères, ils n'ont plus de moyens de différenciation, de moyens de se mouvoir les uns par rapport aux autres. Et ça, Elle est contente le jour où elle a trouvé la différence, et elle a raison, la différence entre solitude et isolement, désolation. Mais désolation a une connotation quasiment lyrique, qui ne s'applique pas à l'expérience que Ginette Colinka décrit dans son témoignage. La désolation, vous voyez, on voit aussi un homme seul, la main sur le front, qui est désolé. Désolation, le concept s'applique davantage à la société totalitaire. Dans la société dans laquelle les individus ne sont pas encore réduits à l'état de quasi-objet dans lequel ils sont dans les camps. La désolation, c'est le régime quotidien de la vie dans les systèmes totalitaires. Et c'est vrai que ça marche, ça décrit parfaitement ce qu'on sait de la société nazie, de ce qu'on sait de la société stalinienne. Je prenais l'exemple tout à l'heure, hein, une société dans laquelle les parents dénoncent les enfants. Bon. Alors on va entendre la voix d'Arendt qui décrit le régime totalitaire. Avant cela, vous avez distingué totalitarisme de tyrannie, distinguons-le de dictature. En début d'émission, Arendt disait la dictature peut supprimer les lois de manière provisoire. C'est ça la différence? Oui, c'est ça, oui. Totalitarisme est une dictature qui dure. La dictature, ça c'est la définition romaine de la dictature, hein, c'est la suspension provisoire des lois, les lois doivent revenir. La tyrannie, on pourrait dire que c'est un état d'installation dans une plus longue durée de lois iniques, mais malgré tout, il reste des lois qui sont des repères et les individus peuvent éventuellement se protéger de la tyrannie. On pourrait nourrir ça avec de la littérature, on pourrait nourrir ça avec des livres d'histoire. Le totalitarisme, c'est le fait qu'il n'y a plus aucun repère de l'ordre d'une loi, sauf, une fois encore, les lois abstraites de l'idéologie, la loi de l'histoire, la loi de la nature, la loi de la race, la loi de la dictature de classe, etc. Donc voilà le point. Mais le concept de désolation, c'est le concept qu'elle a cherché pour décrire, pour poser un nom sur l'expérience quotidienne des individus qui vivent dans une société qui n'est plus une société dans laquelle il n'y a plus d'espace entre les individus. Le concept qu'elle avait déjà trouvé dans la première édition, c'est le concept de superfluité pour l'expérience des camps eux-mêmes. C'est l'idée, et ça correspond mieux avec le témoignage, c'est que ce que on vit, si on peut appeler ça vivre, dans les camps, c'est l'expérience de l'homme superflu. Le point d'aboutissement du système totalitaire, c'est de dire au fond que l'homme est devenu radicalement superflu. Alors écoutons Hannah Arendt, c'était en 1973 dans un documentaire de Roger Herrera qui s'appelle « Un certain regard ». Écoutons-la décrire ce régime nouveau qu'est le totalitarisme en insistant notamment sur la suppression de la notion de culpabilité et d'innocence. One of the main characteristics, when I... Lorsque je vois un système totalitaire, j'essaie de l'analyser comme une nouvelle forme de système politique inconnue auparavant. Pour cela, j'essaie d'énumérer ses caractéristiques principales. Parmi celles-ci, je voudrais vous en rappeler une qui est entièrement absente actuellement de toutes les tyrannies. And that is the role of the innocent. Il s'agit du rôle des innocents, des victimes innocentes. Sous Staline, il n'était pas nécessaire de faire quoi que ce soit pour être déporté ou pour être exécuté. La dynamique de l'histoire attribuait un rôle à cette victime et elle devait jouer ce rôle, quoi qu'elle ait fait par ailleurs. Cela, bien évidemment, l'essence du totalitarisme. Le fait qu'il y ait une totale domination de l'homme par l'homme. En ce sens, il n'y a pas aujourd'hui de totalitarisme, même en Russie, où règne pourtant la pire des tyrannies que nous ayons jamais connues. Il faut faire quelque chose pour qu'on vous envoie en exil ou dans un camp de travail ou dans un asile psychiatrique. Les régimes totalitaires sont toujours nés lorsque la majorité des pays européens étaient déjà soumis à une dictature. Voilà des précisions bien utiles, Pierre Bourette. Oui. C'est Hannah Arendt qui répond elle-même aux questions que je vous posais au cours de cette émission. L'essence du totalitarisme étant la domination de l'homme par l'homme, la dictature étant souvent le moyen qui conduit au totalitarisme. Mm-hmm. Mais, dit-elle, et donc on est en 73, ça ne s'applique pas à la Russie d'aujourd'hui. Là, elle se répond un peu à elle-même en même temps, hein. Et elle répond aux questions de l'époque. Parce que l'époque, en 1973, c'est justement l'époque où ce que je disais tout à l'heure, dans la littérature de sciences politiques qu'elle a toujours méprisée complètement. Elle ne s'est pas intéressée du tout à tout ça, ça ne l'intéressait pas. Dans la littérature même politique, on discutait de la question de savoir est-ce que le système stalinien, c'est vraiment un totalitarisme? C'est tout à l'heure, pour une partie de la gauche, il s'agissait de montrer que non, bien sûr, que le seul totalitarisme, c'était le fascisme et le nazisme, que le bolchevisme, c'était autre chose, que la société communiste, c'était autre chose. Et puis en 73, on commençait aussi de se dire, est-ce que c'est encore tout à fait ça? Est-ce que c'est en train de se transformer? Est-ce que c'est pas en train de se fissurer un petit peu, etc., etc. Bon, donc elle répond un peu aux questions du moment, dans la presse, dans le monde savant. Et elle se répond quand même aussi un tout petit peu à elle-même, parce que on sent bien qu'elle dit, il y a... Donc on est plus de 20 ans après la publication du texte. 20 ans après, et dans ce qu'elle dit là, il y a une légère petite contradiction entre ce qu'on disait à l'instant à partir de pages de la fin du livre, c'est-à-dire que dans le système totalitaire, on peut être condamné sans aucune raison. Et elle dit quand même en Union soviétique, faut avoir quand même commis un petit quelque chose pour être envoyé en camp, pour être envoyé en hôpital psychiatrique. Voilà. Bon. Et puis dans le passage qu'on vient d'entendre là, entre parenthèses, ce documentaire de Joseph Herrera est absolument extraordinaire. C'est la seule télévision qu'on ait de Joseph Roger Herrera. C'est le seul documentaire qu'on ait dans lequel on la voit. Elle est avec formidable. Cet anglais. Avec un accent presque français d'ailleurs. Hein, oui, il est allemand, presque français, avec cigarette avec au bec. Une culturalité allemande. Et on sent la gitane au bec ou la cigarette au bec. Bref. Il y a une idée là qui, à mon avis, va la faire un tout petit peu dire des bêtises 10 ans plus tard. Non, qui lui a fait dire des bêtises 10 ans plus tôt, puisqu'on est en 75. C'est l'idée que il n'y a pas de victime, puisque on n'a pas besoin d'avoir commis quelque chose pour être condamné, mais il y a aussi qu'il n'y a pas de bourreau. Et cette idée-là, à mon avis, elle va la pousser trop loin. Là, elle dit qu'il n'y a pas d'innocent. Elle dit pas qu'il n'y a pas de victime. Elle dit, il n'y a pas d'innocent, mais il n'y a pas de coupable. Voilà. Hein. Donc, dans le livre, dans les origines du totalitarisme, cette idée fonctionne bien à la manière qu'on vient de décrire. Parce qu'effectivement, si on pense qu'il y a une loi de l'histoire qui surplombe les individus, qui surplombe la société, ben oui, les crimes des individus, c'est des crimes contre la loi de l'histoire. Et les bourreaux ne font qu'appliquer la loi de l'histoire. Est-ce que ça veut dire, malgré tout, au bout du compte, que... C'est l'argument d'Eichmann. C'est l'argument d'Eichmann, voilà. Et c'est l'argument qui, au fond, me plaît pas beaucoup, mais on est pour l'instant dans les origines du totalitarisme. Donc Eichmann à Jérusalem, le texte suit d'ailleurs les origines du totalitarisme dans l'édition dont on parle aujourd'hui, que vous avez dirigée, Quarto, oui. Chez Gallimard. Eichmann, donc, qui a participé au premier plan, premier rang à l'extermination des Juifs dans le cadre des camps de concentration, et qui dit « mais je n'ai fait qu'obéir aux ordres ». Voilà. Si Hannah Arendt dit « mais il n'y a pas de coupable », et que finalement les hommes eux-mêmes n'ont fait qu'obéir à la loi de l'idée, de l'histoire. Voilà. Voilà, donc ça, c'est ce qu'elle défendra plus tard. Dans ce livre-là, en tout cas, ce qui donne la force ultime de ce livre, ce qui fait la raison pour laquelle vous allez passer encore 3 autres émissions, la raison pour laquelle on le lit encore aujourd'hui... Oui, dites-nous, aujourd'hui, c'est vrai que c'est la question qu'on se pose. Ben oui, ça s'applique plus à aujourd'hui, s'il n'y a plus totalitarisme. C'est un livre quand on le connaît bien de l'intérieur, est assez mal foutu. François Furet dit quelque part, c'est un livre écrit à la diable. Alors, c'est vrai, on sent qu'il a été écrit avec une espèce de force, de rage, de violence contenue. Il y a par exemple une passion anti-bourgeoise dans ce livre. Il y a quelque chose d'une haine à l'égard des bourgeoisies européennes. Et au fond, elle a raison sur le comportement des bourgeoisies européennes. Il y a un petit fil qui est aussi une colère contre les élites juives qu'elle a un peu combattu, avec lesquelles elle était en désaccord. Il y a une espèce de rage qui porte ce livre. C'est là qu'il est important de le lire tel qu'il est paru, c'est-à-dire comme un livre, et pas 3 livres, comme un livre avec 3 grandes parties et des chapitres, et non pas comme 3 livres séparés. Mmh. Parce que si on se plonge là-dedans, et je propose l'expérience aux gens qui ne l'auraient lu que dans les 3 éditions françaises, en 3 volumes, avec des éditeurs différents, avec des traducteurs différents, c'est de se replonger dans ce livre, parce que c'est une expérience littéraire. On a l'impression de lire un grand texte littéraire qui est porté par une force qui parfois va un peu dans tous les sens. Le livre puis les chapitres sont pas forcément très bien coordonnés, il y a plusieurs fils qui se renouent pas complètement, sauf qu'on continue de lire ce livre aujourd'hui. Je parie qu'on continuera de le lire très longtemps, alors qu'on ne lit plus depuis déjà très longtemps les traités sur le totalitarisme qui avaient été écrits au même moment, et que ce livre garde en particulier sa force par la fin, c'est-à-dire ce chapitre qu'elle a ajouté, « Idéologie et terreur, une nouvelle forme de régime », qu'elle a mis plusieurs années à écrire, parce que c'est là que, il y a au bout du compte, ce qui justement n'est plus une analyse causale, qu'elle regrettait. La raison pour laquelle elle n'aimait pas le titre « Les origines du totalitarisme », ça, ça a disparu. Et l'analyse phénoménologique est reprise au travers de deux concepts, l'un qui concerne les idées, qui concerne la logique intellectuelle du totalitarisme, et l'autre, la terreur, mais la terreur qu'elle décrit justement comme, d'un point de vue philosophique, phénoménologique, qui est la suppression de l'espace entre les hommes. C'est pas seulement la police politique qui peut venir vous arrêter tous les matins. C'est ça, mais c'est une expérience plus profonde, c'est une expérience plus quotidienne, et c'est une expérience justement de la désolation, de l'absence de repères entre les individus, de destruction de l'espace entre les individus. C'est ça la nouveauté radicale. Qu'on peut lire, grâce à vous Pierre Bourette, sans Quarto Gallimard, donc réunis hein, en un seul volume, Les origines du totalitarisme, et puis Eichmann à Jérusalem. Merci d'être venu nous en parler. Merci ce à matin, vous. On se quitte avec Propaganda News. Propaganda. Propaganda. Propaganda. Propaganda. Floozy, you got me trapped in a dark fantasy world. Don't you know you're making me woozy? You have me wrapped around your little finger. Baby, don't you know you can't lose? You make me offers that I can't refuse. Yeah, you keep telling pretty lies inside with the truth. Oh, you're killing me with your France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. De quoi nous parlez-vous aujourd'hui ? Eh bien, je vous parle de ça. Ce mortel ennui qui me vient quand je suis avec toi. Ce mortel ennui qui me tient et me suit pas à pas. L'ennui, vous le connaissez, vous l'avez déjà côtoyé un peu, beaucoup, à la folie. Il vous a en tout cas touché au moins une fois, malgré vous. Je pense rarement à l'ennui, en général il me tombe dessus et je fais avec, le temps qu'une occupation le fasse disparaître. Mais pour une fois, c'était hier, j'y ai pensé. Et pourquoi ? Parce qu'une amie m'a raconté avoir passé une terrible soirée à s'ennuyer. Se tailler à l'anglaise, loin de moi. Assise sur son canapé, de 20h à minuit, elle n'a rien fait. Ni dormi, ni mangé, ni lu, ni regardé une série, ni discuté, bref, rien. Excepté donc se laisser prendre par l'ennui. Je connais bien cet état, je le vis presque chaque soir. Mais quand mon amie m'a parlé de son désœuvrement de la veille, me faisant à la fois part d'une grande fatigue et d'une grande culpabilité à n'avoir rien fait, c'est là que j'y ai vraiment pensé. Qu'est-ce donc que l'ennui? Cet état, cette sensation, certaines définitions ajoutent cette maladie chronique typique de la modernité. Qu'est-ce que ce truc qui a lieu mais où il ne se passe rien? Ce moment qui n'arrive jamais par hasard mais qui nous tombe pourtant dessus? Qu'est-ce que ce rien qui s'impose pleinement, de plein fouet, de plein droit et surtout qui nous épuise ou nous culpabilise sans avoir pourtant rien fait? Voici une petite musique d'ennui. État, sensation, pathologie, émotion, sentiment, je n'arrive même pas à trouver une manière de désigner l'ennui. L'ennui est comme ses sonorités, informe, éclopé, pas éclatant, difficile à dire quand on est enrhumé. Une foule de synonymes pourrait le remplacer, l'abattement, la lassitude, le désintérêt, le désœuvrement, la dysthymie, plus médicale ou plus romantique, la neurasthénie, ou tout simplement la monotonie. Une foule de personnages ou d'artistes l'ont incarné, Madame Bovary, Baudelaire ou Pierrot le Fou. Une foule de philosophes en ont parlé, Jean Kelevitch, Rousseau ou Schopenhauer, ou Pascal qui en disait cela. Rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos. Sans passion, sans affaires, sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Récemment, à l'inverse, on a vu fleurir une foule d'écrits réhabilitant l'ennui comme le lieu par excellence de la rêverie, du vagabondage, de la création possible. Pour ou contre, sublime ou désespérant, au fond, c'est toujours la même chose. Il y a eu tant de tentatives pour donner une forme à l'ennui, pour le cerner et en fait pour le surmonter, ne plus être ennuyé par l'ennui. Mais pardon de le dire, l'ennui n'est rien d'autre que lui-même. Il n'est rien d'autre que cette masse gluante et insaisissable, cette plénitude sans relief ni accroche qui s'abat sur nous. Sinon, ce n'est plus de l'ennui. Peut-on faire autre chose que de le subir et de le constater ? Comment faire face? Comment faire avec? Ou comment réagir? L'ennui oblige à revoir tout ce genre de réflexion et n'ayons pas peur des mots, tout notre rapport au monde. Si j'y réfléchis bien, à défaut de le saisir, j'aperçois bien le moment où il pointe son nez. L'ennui apparaît précisément quand tout a été fait, manger, dormir, jouer, travailler ou coucher les enfants, et quand tout est encore possible, remanger, redormir, retravailler, etc. L'ennui apparaît précisément là, quand on a laissé cet entre-deux s'installer, quand on n'a pas voulu faire face, agir ou réagir. D'où cette culpabilité et ce genre de pensée « Mince, j'aurais dû agir avant, maintenant me voilà bloqué sur mon canapé, cloué par l'ennui. » Mais quand j'y pense, l'ennui, c'est en fait le seul moment où je prends vraiment conscience que j'aurais pu faire autrement et que je vais pouvoir faire autrement. C'est le seul moment où s'impose à moi ma liberté restée intacte. L'ennui est alors un véritable cadeau. Enfin sous mes yeux, toute cette liberté informe, gluante, vertigineuse que je prends le plaisir de ne pas encore sculpter. Magnifique Géraldine, voilà une nouvelle semaine des chemins qui s'esquisse. L'ennui, on ne l'a pas encore très fait. Très beau thème. À décliner. Vous avez un conseil de lecture à nous proposer ? Oui, le dictionnaire des émotions de Tiffany Watt-Smith qui est paru aux éditions Zulma. C'est noté, et puis en cas d'ennui, on peut toujours réécouter votre chronique hein, sur le site du Journal de la Philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'a aidé à préparer cette émission. Colomba Grossi, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Elsa Le Saulnier, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette semaine, Hélène Lesseur à la lecture des textes, à la prise de son aujourd'hui, ils étaient deux, Clément Daté et Souad Boukorsa. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour d'Anna Arendt et des origines du totalitarisme. Demain, nous serons en compagnie de Jean-Claude Poisat. On s'intéressera au premier chapitre de ce texte sur l'antisémitisme et on se demandera, l'antisémitisme pour Anna Arendt est-il autre chose qu'une haine du juif ? D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. On attend vos remarques et vos commentaires. Voilà, on se retrouve demain à 10h. D'ici là, vous restez à l'écoute sur France Culture.